Les bons souverains. Dans le fin fond d'un palais indien, dans un bassin d'eau translucide bordé de marbre blanc comme de la neige, le sultan Akhememou III du nom se baignait. Après être revenu de la chasse aux faisans, il adorait se prélasser dans les eaux pures et fraîches de son palais. Quand, de l'immense fenêtre, entre les colonnes de granit, il put contempler de son regard fier et souverain, quoique bon et honnête, l'astre solaire se perdre derrière les bâtiments de sa cité, il consentit à regret de s'extirper des eaux bienfaisantes de son bain. Après s'être revêtu de sa plus belle tunique rouge comme le feu, de son turban blanc au milieu duquel une plume de paon était retenue, prisonnière d'un saphir, il descendit les marches de ses appartements pour se retrouver au grand air et marcher sur les allées sablonnées de son royal jardin. Là, sur la margelle d'un bassin en fontaine, son épouse, Ramachatal, était gracieusement assise. « Ma chère, s'écria le sultan, que diriez-vous d'une promenade sur le bord de la forêt d'Aouchi ?»« Je vous suis très reconnaissante de cette proposition, je vous suis. » répondit la reine. Le sultan alla faire préparer un carrosse richement décoré de fleurs d'or, puis son épouse et lui, ils montèrent et partirent. En chemin, ils virent un arbre abattu par des personnes malfaisantes. « Oh, quelle cruauté d'abattre cet arbre !» se dit la reine Ramachatal. « Je vais le sauver. Mon cher mari, que diriez-vous de sauver ce pauvre arbre ?» C'est une très bonne idée, ma chère épouse, répondit le sultan. Puis, à l'aide de bandes de soie et d'un onguent spécial, ils firent un bandage à l'arbre. Le sultan et son épouse décidèrent de rester auprès de l'arbre afin de lui remettre de l'onguent toutes les fois que ce serait nécessaire. Pendant 8 jours et 8 nuits, ils soignèrent l'arbre avec patience, et la 9e nuit, ils entendirent un froufrou au-dessus de leur tête. De multiples feuilles et fleurs croissaient sur les branches de l'arbre guéri. Des rouges, des jaunes, des roses, des oranges, des violettes, des mauves et même des bleus. Quelques minutes après, l'arbre du bout de ses branches reverdies et refleuries leur tendait des fruits juteux et mûrs à point que le couple royal appela grenade. Le sultan et la sultane, n'ayant rien mangé pendant les 8 jours et les 8 nuits de la durée de guérison de l'arbre, s'en régalèrent. Puis, heureux d'avoir accompli une bonne action, ils reprirent place dans le carrosse et se remirent en route. Mais, plus loin encore, ils aperçurent une petite fille qui pleurait, car elle s'était blessée la cheville sur un caillou du sentier. Touché, le sultan proposa à sa femme « Et si nous soignions cette pauvre petite, comme nous l'avons fait pour cet arbre ?»« Quelle bonne idée, mon cher époux !» lui répondit sa femme, ravie. Alors, à l'aide de bandes de soie et d'un onguent spécial, ils firent un bandage à la petite fille. Puis, le sultan et son épouse décidèrent de rester auprès de la petite fille afin de lui remettre de l'onguent toutes les fois que ce serait nécessaire. Pendant 8 jours et 8 nuits, ils soignèrent la petite fille avec patience. Et la 9e nuit, ils entendirent un bruit cristallin. Ils ouvrirent les yeux de leur sommeil et virent, accroupis devant eux, une belle jeune femme et un beau jeune homme. Ce fut l'homme qui parla en premier. « Je suis Vishnu, le dieu protecteur. Vous m'avez soigné et guéri alors que je n'étais qu'un arbre. Grâce à vous, j'ai pu retrouver ma forme de jeune dieu et je vous prends désormais sous ma protection. » Puis, ce fut la jeune femme qui parla en deuxième. « Je suis Sarasvati, la déesse des arts. Vous m'avez soignée et guérie alors que je n'étais qu'une petite fille. Grâce à vous, j'ai pu retrouver ma forme de jeune déesse et je vous prends désormais sous ma protection. » On raconte que, depuis, le soleil rit. Lily Bégonia.